pour nous passer dans la dernière partie du programme nous pour Assoya, qui c'est parole bon Dieu. Nous allons disposer que nous, esprit nous, pour nous capables tant de bon Dieu pour parler ensemble avec nous. Mais pour nous faire ça, nous allons chanter un seul couplet dans le numéro 136 pour triompher dans les combats. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Avec vous, le frère Gelson Teluska. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de la prière, bonsoir. Nous comptons que nous l'accueillons, et puis nous appelons connecter avec bon Dieu par la prière à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone. Monsieur, que nous sentons bien, parce que pas de plus bon côté que nous gagnons l'accueillons. L'accueillons, parce que nous sommes à l'aise. Gen moun la se kage l kage, gen se kouche l kouche, gen se piye ke l kwaze, pi la pe tende, la priye, ba konen la pe tende mesaj la, se kèkou sa pozisyon ko gen, ko vle bran, jist met ou alèz, epi se nyo ap pale avò, e nan fason pale. E, frèzè sè, nou konen ke la nosyon du tan, sa nou rele timing, mèsyè kap li nan go li vyo rele l timing, e timing, bon dieu, tan, bon dieu, li diferan, de gens que nous-mêmes nous concevoir ça et c'est une raison qui fait que événement yo surprend nous là on bagaille arriver li prend nous et de manière soudaine parce que nous pas maîtriser la notion du temps nous sommes limités par contre bon Dieu lui-même li ouais bagaille yo avant même que yo arrive d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu voit la fin dès le commencement. C'est pas seulement que bon Dieu ouais yo, mais bon Dieu tout fait des planifications pour petit li à travers ces événements qui lorsque qui arrivé et petit li yo saisi parce que yo pas attendre avec ça, mais Dieu voit tout. Dans un passage dans Bible là et c'est dans 1 Roi chapitre 17 les versets 8 à 16 si nous ouvrez Bible nous regardez pour nous dans page 379. Yo parlait de Élie qui rencontré avec la veuve de Sarepta et dans verset 9 là bon Dieu a adressé parole là avec Élie dit Élie levez allez à Sarepta et ou a demeurer là ou a pas son petit temps là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir et effectivement Élie dans verset 10 là allé il arrivé à Sarepta et lorsque il a rentré dans la ville là Élie ouais une dame veuve qui a ramassé du bois et il relait. Il dit d'amener à chercher, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Effectivement, d'amener et en tant qu'hospitalière, aller chercher, il y relève à nouveau. Il dit apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, pas besoin de rien. Rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Effectivement, elle y allait et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Nous avons exactement un exemple concret de ça ne relie que comment bon Dieu planifier des bagages pour petit et comment bon Dieu planifier pour Élie, comment bon Dieu planifier pour la veuve qui se trouvait à Sarepta. Nous n'ayons situation qui particulière, nous, au cœur de ça, il y a une famine. Une famine, pour m'expliquer non plus bien, c'est ça nous a relé une sorte de crise humanitaire. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est seulement touché au monde. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est touché tout, probablement toute une nation et du moins tout capable de toucher tout le monde en général. Par exemple, nous vivons, ça nous a relé, je veux dire, en crise humanitaire hein, et la pandémie. La pandémie qui c'est une crise humanitaire, pandémie de coronavirus ça, qui a frappé le monde et qui vient faire que nous confinons. Donc tout le monde est confiné. Mais il semble qu'à travers cette histoire, la veuve de Sarepta était confinée. Il était confiné, mais ça parce que mon était la caillou, parce que pas rien manger. Mais sinon que ou sorti au cas de besoin. Et c'est exactement la réalité que nous vivons aujourd'hui. Ou sorti lorsque besoin l'acheter, ou sorti lorsque besoin bagay. Et c'est presque la même réalité, la veuve était confinée. Mais ça qui est fort dans le récit, c'est que malgré le confinement, et c'est là un besoin que nous retenons, leçon fondamentale, en dedans confinement, ça, ou ce que vous avez même dit avant confinement, bon Dieu planifié pour serviteur. En dedans confinement. L'emline en 1 17 verset 9. Verset 9 là dit comme ça, bon Dieu dit Élie, levez, allez à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Tu vas demeurer dans cette maison. Parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça veut dire que avant même Élie sentait le besoin d'être nourri, Dieu avait planifié la nourriture pour Élie. Bon Dieu, le pouvoir a besoin nous. Et c'est une raison que au commencement, il m'a parlé de timing. Il m'a parlé que l'événement surprend nous. Il surprend nous. Mais Dieu a tout vu et bon Dieu planifié pour que moi avec vous, lui alimenter nous. On n'a pas bon exemple rapide. Les enfants d'Israël dans le désert, Dieu avait tout prévu. Depuis on écrivait dans le désert, là on confiné dans le désert, mais Dieu avait prévu. Maintenant, ça que nous besoin que nous comprenons à travers l'intervention, bon Dieu, dans le cadre de planification, ça m'a dit à là, suis-moi bien. Bon Dieu, il peut agir de deux façons. Il peut agir de manière directe. Ça, c'est le premier aspect. Ou du moins, il est capable d'agir de manière indirecte. Comment m'expliquer ça? Dans le cadre d'Israël dans le désert, qui grand coup, qui est confiné dans le désert, bon Dieu agit de manière directe, ça veut dire qu'il n'est pas agi par intermédiaire au monde. Il était dans le ciel là, et puis il fait miracle, et puis effectivement, il va petit, il mange. Mais que deux fois tout, bon Dieu, quand il choisit de travailler, il fonctionne de manière indirecte, ça veut dire qu'il agit à l'aide de un monde. Ou bien, il utilise un élément pour être capable et participer à l'action qu'il a fait là. Bon, m'explique ça, me dit bien. Par exemple, besoin de parler avec un monde. Besoin parler avec un monde, je vais parler les monde directement par la monde. Si je parle avec le monde directement, je négocier à mon nom par la veille. Comme ça, tout le monde va parler de manière indirecte. Je vais parler avec madame moi, et puis madame moi, parler mon nom, et puis lui parler avec mon nom. Ça, c'est une intervention de manière indirecte. Mais à travers ce récit, bon Dieu, libéral, prend soin d'Élie. Pas oublier bien. Donc, on est Élie bien. Lorsque Élie se trouvait dans la caverne, bon Dieu prend soin. Élie était utilisé. Yon corbeau, nous songez ça. Mais à travers l'événement, ça, bon Dieu va utiliser la veuve pour prendre soin d'Élie. Et remarquez que le texte dit bien que bon Dieu dit Élie, moi ordonné à veuve là pour capable prendre soin. Mais ça va l'étonner. Ça va l'étonner, c'est conversation entre Élie avec la veuve là. J'ai l'impression les m'appli texte hein, c'est comme si j'ai l'impression que moun sa ou gèl pa konnen yon lòt avant. Parce que lorsque li paraît et bon Dieu a appelé l'explication, il dit que ou a privé à Sarepta et pou a besoin un moun qui a pran son. Effectivement, distandi il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Donc ça veut dire que il me semble hein, que Élie pa konnen. Il semble tout que damnan pa konnen. Même j'ai l'impression que bon Dieu gèlè li misé sous dame nan, dans le sens que le connaît ça son dame qui tellement gen bon cœur depuis on moun en difficulté la prend soin moun nan. Gen moun, il est vrai que la Bible dit que pas grand rien que nous ka fait de par nous-mêmes si ce n'est que par l'esprit de Dieu qui agit en nous. Gen moun que bon Dieu connaît depuis mon arrivé la caille, depuis mon en difficulté, quand élément ça l'a servi avec mon. Et c'est exactement ce que la veuve a fait. Veuve là, dans conversation nous connaissons cette histoire. Veuve là, pas de gain en pile bagaille. Li pas de gain en pile moyen parce que ça d'abord prend c'était juste pour famille et li tellement gain qu'en main que li baille et li manger quand même. Maintenant la question fondamentale, est-ce que bon Dieu capable miser ce moyen avec vous? Est-ce que si bon Dieu voyait un monde la caille non? Et la question est fondamentale, li touche même tout. Est-ce que moi-même Gelson, est-ce que famille nous t'a pas fait ça veuve la faire pour nous partager? Est-ce que c'est pas parole nous t'a bay mon compte parole et puis nous voyons mon aller bon Dieu bon nous prier avec elle? C'est parce qu'elle a fait li bay petit bon Dieu a manger. Tendez bien dans ça m'a dit là. Bon Dieu prend soin petit. Comment bon Dieu prend soin? Eli prend soin Eli à travers veuve là. Li fait de manière indirecte. Deuxième aspect, ou nous voyons que à travers Eli, bon Dieu va prendre soin veuve là qu'on y a. Parce que veuve là pas grand pile moyen. Loga de pour un verset et lorsque verset 13 lorsque dame n'a fin fait toute préparation et puis Eli manger et puis dans verset 14 ans Eli ba dit que farine qui n'en pourra pas jamais manquer et l'huile qui n'en couche là pas jamais diminuer jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc ça qui vient arriver là, Dieu a béni la veuve à travers Eli. Levante Eli fin plein, Eli mange contre lui. Kounya Eli dit kounya m'bal bénion. M'bal, c'est comme si et m'vin comprendre que faut nous faire qu'un l'autre content. Démarche bon Dieu, qui ça qui passé là? Comment bon Dieu planifier pour petit lui? M'vin comprendre que la méthode de Dieu, mais sa méthode bon Dieu aille. La méthodologie de Dieu dans le cadre de ce confinement, c'est que youn aide l'autre. Suivez-moi bien. Bon Dieu, tu es capable de prendre soin la veuve de Sarepta sans l'intervention d'Eli. Bon Dieu, tu es capable de prendre soin Eli sans l'intermédiaire de la veuve. Mais à travers ce confinement, bon Dieu veut apprendre nous leçon ça pour montrer que youn doit aider l'autre. Eli gangou, bon Dieu dit Eli moi même personnellement m'pa bon manger, c'est un dame que m'a donné à la kaili la bon manger pendant confinement, pendant crise humanitaire là. Bon Dieu ordonné un dame bal manger. Youn doit aider l'autre. Ça veut dire que pour moi, bon Dieu capable décider à travers ce confinement pour vin la kayou et puis le font miracle terrible. Même j'ai plus impression si m'était dans l'esprit texte ça que bon Dieu voulait plus que moi avec vous. Il voulait plus que nous-mêmes qui sous groupe ça, nous-mêmes qui c'est membres l'église mais Bethany, que youn prend soin l'autre. Que youn bénit l'autre. Voilà le mot. Que youn bénit l'autre. Eli a béni la veuve de Sarepta. Ça veut dire que lorsque Malila Kayou peut-être en difficulté ou peut-être dit mais pourquoi ce déplacement dans le cadre d'un confinement, bon ça c'est une question pendante mais quand même dit me sauver si m'entend de crise, si une situation de crise, nous avons monde qui vient là comme pour te manger ban moi, m'pa dit qu'on s'arrête là caillou, rete confiné. On monde qui porte un gros sac ban moi et puis vient là comme chita, Dieu, oh, pas vient là comme non, confiné, m'pa j'aime dire ça parce que bon porter le porter ban moi. Est-ce que comprendre ça fait que même la notion de confinement est discutable tout parce que moun si moun vient là comme pas venir rien donc là ça peut me déranger me ga dire ah mon écoutez qu'est-ce qu'il est venu faire parce que là on est vulnérable etc. mais si c'est à ça qui porter la porter dur il porter si frère garçon mais ça me porter barou là ça me dit oh bienvenue mon frère c'est bon Dieu que vous yo et ben voilà l'exemple ça veut dire que Eli déplacé dans cette crise humanitaire. Il est venu, il était allé chez la veuve de Sarepta. Il avait quelque chose en main. Et ce qu'il avait, c'était la bénédiction. Ça veut dire que bon Dieu voulait, à travers ce confinement, il peut ne pas intervenir de manière directe, mais il peut le faire à travers nous. Et maintenant, pour qui ça et pourquoi cette sollicitude de la part de Dieu envers petite Lio? Comment elle fait possible? Comment bagay ça fait arriver à exécution? Ou quand ça me rend compte? Je me rends compte comment bon Dieu vient faire ça? C'est parce que bon communication entre bon Dieu avec deux acteurs principaux ça en dans récit. Premier, dans 1 Roi 17 verset 8 qui ça dit, il dit mon sang que parole bon Dieu a adressé à Élie. Il dit Élie, lève-toi. C'est parce que il y a une communication entre Élie et Dieu. Dieu a pris soin de son enfant que j'appelle Élie. Peut-être que Dieu est bon, oui, nous sommes tous d'accord, mais il y a une communication, il y a une étroite relation entre Élie avec bon Dieu. Ça veut dire qu'à travers cette crise humanitaire, bon Dieu prend soin d'Élie. Élie, il y a une communication, il prie bon Dieu. Deuxième exemple que je vois qui est intéressant encore, l'autre protagoniste que bon Dieu prend soin dans le récit, il s'agit bien de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, verset 15, qui ça dit, elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Élie est le prophète de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'elle a suivi les principes de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Ça veut dire qu'elle fait exactement ça que bon Dieu dit. Elle fait ça que bon Dieu dit. Elle fait à travers Élie. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre elle et la parole de Dieu. Elle a agi selon la parole de l'Éternel. Et c'est ça que dit le verset 16, la farine qui était dans le pot, etc., qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole de l'Éternel. Donc, elle a fait ce qu'Élie lui a dit de faire. Ça veut dire que je viens de comprendre. Notez phrase ça pour moi. Fais ça, bon Dieu, mando pour faire, et puis la fait ça pour le faire pour moi. Je vais prendre pour. Fais ça, bon Dieu, mando pour faire. Et puis il a fait ça pour le faire pour vous. Élie, tu es dans une situation difficile. Bon Dieu dit Élie, Alkaï, la veuve de Sarepta. Ça, Élie fait. Il y allait. Si Élie était resté côté Lia, il t'a désobéi avec bon Dieu. L'Élie arrivé, Élie joint de manger parce que bon Dieu avait planifié pour Élie. N'oublie pas l'esprit de cette réflexion. Quand Dieu planifie pour ses enfants. Si Élie était resté côté Lia, il pas joindre ça. Lorsque Élie arrivait tout, dame en tant que femme hospitalière, femme de bon cœur, il recevoir Élie et à travers et la présence d'Élie bénit. Ça veut dire que vous comprendre en dans confinement on a toujours partagé. Confinement grand goût ça, il pas dû empêcher pour deux qui est duré avec un monde. En dedans confinement, pas veut dire que manger seulement avec famille, me plein ventre moi et puis après ça me dormir. Je suis t'a faire réserve. Mais ça me gagne tout, bon Dieu fait pour nous capable partager avec un autre. Et c'est l'autre ça, elle est venue la caille moi. Dieu me bénit à travers cet élément. Ça veut dire me venir comprendre un deuxième aspect c'est que moi avec vous nous là pour nous bénir monde. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Youn doit faire l'autre content. Et l'elle me fin content. Écoutez, si mal la caille, un par exemple mal la caille, t'es venu dans Saint-Ville d'Amin. On dit que mal la caille Sandra Evariste. L'aime rivé dans caille là. Sandra mal recevoir, il prend mal. Vous pensez que m'a pas facile bénir? Non. Mais s'il prend soin il bien géré. Et puis avant m'aller me dit Sandra on nous prier. Et puis Seigneur à travers moi-même, c'est pas qu'il y avait une force supérieure en Élie, c'est Dieu qui a choisi de bénir son enfant à travers cet intermédiaire parce que Élie était un homme faillible. Mais bon Dieu décidé lui toucher Élie. Il touchait Élie à travers Damne. Qui pas grand pile moyen. Bon Dieu toucher Damne à travers Élie. Et la dernière chose. Mais ça me remet en de crise humanitaire là. Et c'est le message pour moi qui est fort dans cet épisode. Dans verset 13, Élie dit Damnan, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Moi mes frères ça, ne crains point. Dans cette crise humanitaire, tu n'as rien à craindre parce que ton Dieu avait tout prévu. parce que ton Dieu t'a vu. Il m'a envoyé vers toi. Ou pas même qu'on aime venir. Tu n'as rien à craindre. Moi avec vous, des fois nous expérimentons ça dans le confinement. Des fois nous pas rien dans mais nous c'est garder nous on porte frappe on famille passer pour ton bagage ben non et nous pas de gain ça. Nous pas de gain ça. Bon Dieu voyez mon nan vinn porter ça. Ben non, moi même fait expérience ça en dans le confinement ça. Nous n'avons rien à craindre. Même si nous avons gain monde qui tomber qui a mouri en dans confinement ça tout m'a tout dit nous ça. Des fois bon Dieu tout profiter toi en dans confinement. Pour tout faire quelque monde à le fonti dormir à reposer après ça reste qui vivant à suivre mais Dieu nous dit nous n'avons rien à craindre la veuve de Sarepta ne craint point pas peur confinement pas peur crise humanitaire là, parce que à travers cette crise humanitaire Dieu a vu ses enfants et Dieu planifie il avait planifié pour ses enfants et il prend soin de ses enfants. Voilà l'idée, mes frères et mes sœurs. J'espère que bon Dieu a aidé que moi qui parle là, c'est le premier monde qui respecte ça qui dit là, qui respecte la parole de bon Dieu, et puis tout permettre que bon Dieu y agit dans la vie. Que bon Dieu capable de bénir nous, et en nous rester. Puis pour bon Dieu, en rester en communication avec bon Dieu, et comme ça, là va faire nos grâces. Que bon Dieu bénisse nous.